24-8, observation. Recommandation. Goûtez. Goûtez-moi ça. Je crois que ça vous plaira. Vous m'en direz des nouvelles. Vous ne trouverez pas mieux. C'est ce qu'on peut dire quand on offre ou quand on propose quelque chose.